Je veux voir dans le plein jour le grain de ta peau ambrée, dormir en haut de la tour par la brise caressée. Anastasia, mon amour, je suis prêt à essayer, à faire un simple détour vers ton cœur tout endeuillé. Je suis Léopold, duc de la folie, une cape pourpre enveloppe ma vie. Je lis sur ton ombre l'esquisse d'une envie. Laisse tomber ton ombre, éclaire ma nuit. La fée brune n'espérait plus trouver l'âme d'un duc timide, prêt à la contempler nue et combler un peu ce vide. Elle fut douce, l'ingénue, quand droit il resta placide, bouillonnant qu'il aurait cru, buvant la source limpide. Je suis Léopold, duc de la folie, une cape pourpre enveloppe ma vie. Je lis sur ton ombre l'esquisse d'une envie. Laisse tomber ton ombre, éclaire ma nuit. Je suis Léopold, duc de la folie, une cape pourpre enveloppe ma vie. Je lis sur ton ombre l'esquisse d'une envie. Laisse tomber ton ombre, éclaire-moi.